Samuel Lema, Mokonzia Kanduka. Yoza lumiero yo ebunzaka tenebre, ya destruction a mote maranga. Présence yo loko l'arc-en-ciel, ikanga kanguna jaga nukzaga ya plaisir. Joli samba, joli samba, joli samba, joli samba, joli samba, joli samba. Aziz Makukula, olé. Kitoko na yo lokola pour fleur ya lola. Est-ce que vous femmes à la graine à fertilité? Toupé aux années, les bâtards à beauté. Bogoto na yo floria et tende lingue. Yakavia rubis florian de toi crema. Joli, joli, joli samba. Et joli samba. Joli samba. Joli samba. Joli samba. Joli samba. Joli samba. Affaire à l'eau, je le voyais à tout construire. T'en pensais pas, Sarkozy, pas fama te sirlo Mourinho sharap pisinga kamulangueno Ya kamulangueno Lokanyo kona tunisinga kamulangueno Baby na masalo Zotu na mani kokono Chani na masalo zomae Mama riva na landre Sarkozy